Ça va, on est ici en direct pour 2 heures sans arrêt, non-stop, tout le temps de musique à fond. C'est parti, music. Ce matin, dans mon bain, j'ai échappé le savon et ça fait des bulles. Comment ça va? On est ici en direct pour 2 heures sans arrêt, non-stop, tout le temps de musique à fond. C'est parti!